Le rendez-vous du pèlerinage approche à grands pas. Ce pèlerinage qui fait partie des obligations de l'islam, qu'a ordonné Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre saint, et qu'a ordonné son envoyé sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna purifiée. C'est l'un des piliers fondamentaux sur lequel repose cette noble religion. Ibn Umar radiallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam est basé ou repose sur cinq piliers, d'attester qu'il n'y a de vraie divinité qui ne mérite d'être adorée qu'Allah, et d'attester que Muhammad est l'envoyé d'Allah, d'accomplir la prière, de s'acquitter de la zakat, d'accomplir le pèlerinage de la maison et de jeûner le mois du Ramadan. L'accomplissement du pèlerinage de la maison sacrée à la Mecque est donc un ordre et une recommandation claire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont des rites qui ont pour origine l'époque de Ibrahim alayhi salam, qui a construit avec l'aide de son fils cette maison sacrée qui est la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir achevé la construction de celle-ci, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à son envoyé Ibrahim et lui a ordonné d'appeler les gens au pèlerinage. Il est dit que Ibrahim a dit, « Oh Allah, comment puis-je appeler les gens alors que je suis dans ce désert, loin de toute ville ?» Et Allah subhanahu wa ta'ala lui aurait dit, « Appelle et nous nous chargerons de faire en sorte que cet appel arrive à chacun des êtres humains. » Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quand nous indiquâmes pour Ibrahim le bien de la maison en lui disant, ne m'associe rien et purifie ma maison pour ceux qui tournent autour et pour ceux qui s'y inclinent et se prosternent, et fais aux gens une annonce pour le Hajj. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute autre monture venant de tout chemin éloigné. ومنذ نادى نبي الله إبراهيم عليه السلام ذلك النداء الذي تردد في أرجاء الكون صارت تلك الديار القاحلة الشديدة الحرارة ذات الجبال السود بأمر من الله وتدبير منه سبحانه وتعالى وإجابة لدعوة خليله عليه السلام صارت مهوا لأفئدة المسلمين حتى جاء أو تحن إليها قلوبهم وتشتاق إليها أفئدتهم ذلك الدعاء الذي رفعه إبراهيم عليه السلام عندما ترك زوجته وولده بذلك الواد الذي ليس به شجر ولا بشر فقال مشفقا مبتهلا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع أي بدون زرع عند بيتك المحرم لماذا ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون فصار الناس منذ ذلك الحين ومنذ تلك الدعوة المباركة يهون إلى ذلك المكان على مر السنين والأيام ليس هذا فحسب بل صار ذلك الوادي ملتقا للمسلمين من كل مكان وبقعة مباركة تتكدس فيها الخيرات من كل حدب بل صار وذلك استجابة لدعاء إبراهيم عليه السلام الآخر الذي قال فيه رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. Et depuis cette annonce et cet appel de Ibrahim alayhi salam qui a résonné dans toute la planète, depuis cette terre aride, cette terre connue pour ses grandes chaleurs, cette terre connue pour étant une terre non agricole, une terre connue où il y a des montagnes noires, noircies par la dureté du soleil. Depuis cette annonce, la Mecque n'a cessé d'accueillir les pèlerins année après année. Et ceci est un exaucement des invocations de Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a laissé sa femme et son fils Ismaïl dans ce lieu désertique où il n'y avait ni arbre ni eau. Il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant: ô Allah, j'ai établi une partie de ma descendance, c'est-à-dire de ma famille, dans une vallée sans agriculture, près de ta maison, ô Allah, afin qu'ils accomplissent la salat. Fais donc que se penche vers eux le cœur d'une partie des gens et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Peut-être seront-ils reconnaissants. Et depuis l'époque d'Ibrahim, la Mecque est devenue le lieu de pèlerinage qui rassemble le plus de pèlerins au monde, dans le même endroit et dans la même période. Allah subhanahu wa ta'ala a donc accompli sa promesse de faire en sorte que cet appel d'Ibrahim arrive à l'ensemble de l'humanité. La Mecque est donc un lieu de rassemblement, un lieu de pèlerinage des plus gigantesques à notre époque. Et il contient, ou ils sont contenus dans cette ville de la Mecque, énormément de richesses et énormément de bénédictions. Et ceci aussi est un exaucement d'une autre des invocations d'Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en ces termes selon le sens: ô Allah, fais de cette cité un lieu de sécurité et accorde-y des fruits à ceux parmi ses habitants qui ont cru en Allah et au jour dernier. أما حكم الحج أيها المسلمون فإنه فرض كما هو مقرر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما بينه فقهاء الأمة. فالحج على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع واجب، وأكثر العلماء على أن الحج واجب على الفور، أي متى توفرت شروطه والقدرة عليه وجب على المسلم أداؤه مرة في العمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض لكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا، أي حتى سأل ذلك الصحابي هذا السؤال ثلاث مرات، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. رواه مسلم. فلينبغي لمسلم يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو لقاءه لديه الكفاية والاستطاعة أن يفرط في هذا الأمر أو يؤجله بدون سبب وجيه، فإنه لا يأمن على نفسه غضب الله سبحانه وتعالى القائل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهذا تأكيد واضح على فريضة الحج ووعيد شديد على المتهاون فيه، كما أن الإنسان أيها المسلمون لا يدري من مستقبل أيامه شيئا، ولا يعلم ما يجد عليه من أمر الله وقضائه، ولا يضمن لنفسه في مستقبل الأيام لا أجلا ولا صحة ولا رزقا. فكيف يؤخر هذه الفريضة بعد أن وجبت عليه وقدر عليها إلى وقت لا يعلم ما يقضي الله فيه؟ لهذا فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعجيل الحج الفريضة وعدم التسويف فيه. يقول عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، أي أسرعوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. أخرجه أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه. Quant au jugement du pèlerinage, c'est bien entendu une obligation qui a été exprimée dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une obligation qu'ont démontré et qu'ont appuyé les savants de cette communauté. Le pèlerinage est donc obligatoire pour tout musulman pubère qui a sa raison et qui a la capacité physique et morale de l'accomplir. Et la plupart des savants sont de l'avis que le pèlerinage est obligatoire dans la foulée, de suite, c'est-à-dire lorsque les conditions sont réunies. Il ne doit pas attendre, il ne doit pas retarder, il doit accomplir le pèlerinage dès que toutes les conditions sont réunies et de suite après. Selon Abu Huraira radiallahu anhu, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a exhortés et a dit: ô vous les gens, Allah vous a prescrit, c'est-à-dire a rendu pour vous obligatoire le pèlerinage, accomplissez-le donc. Et un homme a dit: devons-nous l'accomplir tous les ans, ô envoyé d'Allah? Il a répété cette question à 3 reprises et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tu. Et après la troisième fois, il a dit: si j'avais dit oui, cela aurait été obligatoire et vous ne pourriez l'accomplir. Puis il a dit: contentez-vous de ce que je vous ai laissé. Contentez-vous de ce que je vous ai laissé. Autrement dit, contentez-vous des obligations que je vous ai transmises de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne posez pas de questions. Ne posez pas trop de questions. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un temps où la révélation descendait au fur et à mesure. Et le fait de trop poser des questions pouvait rendre une chose surérogatoire obligatoire. Il ne faut donc pas comprendre de ce hadith qu'il est interdit aux gens de poser des questions sur les choses dont ils sont ignorants dans la religion. Bien au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne et dit: demandez aux gens de science si vous ne savez pas. Le musulman qui craint Allah subhanahu wa ta'ala ne doit donc pas retarder l'accomplissement de son pèlerinage une fois que les conditions sont réunies, car s'il ne fait pas, il n'est pas à l'abri de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans le verset 97 de sourate Ali Imran, la famille de Imran, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont les moyens d'aller faire le pèlerinage à la maison. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin ni de mon adoration, ni de ton adoration, ni de l'adoration de l'ensemble des êtres humains depuis Adam jusqu'au dernier. Il n'a besoin non plus ni des adorations des djinns depuis le premier jusqu'au dernier. Allah subhanahu wa ta'ala se passe largement des adorations de ses serviteurs. Cela n'ajoutant rien dans sa royauté, de même que tous ceux qui lui désobéissent ne diminuent en rien à la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est nous et nous seuls qui avons besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à lui, il n'a nul besoin de nous. De même, le fait de retarder le pèlerinage est une grave erreur qui peut être fatale, car chacun d'entre nous ne connaît pas les jours futurs qui arrivent et il ne sait pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a réservé, et personne d'entre nous ne peut garantir dans les jours qui arrivent ni la bonne santé, ni les moyens financiers, ni tout autre moyen obligatoire qui, lorsqu'ils sont réunis, oblige le pèlerinage. Comment donc retarder une obligation que tu as au jour d'aujourd'hui la possibilité d'accomplir? Pourquoi la retardes-tu à plus tard alors que l'avenir est pour toi incertain? Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous empresser d'accomplir le pèlerinage et a dit, comme cela est rapporté sur Abdullah ibn Abbas, empressez-vous vers le pèlerinage car chacun d'entre vous ne sait pas ce qui l'attend. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المسلمون على من يريد الحج أمور لا بد أن يراعيها وأن يحرص عليها إذا أراد أن يكون حجه حجا مبرورا وسعيه مشكورا من هذه الأمور أن قاصد الحج يجب عليه أن يتخذ نفقة من حلال فلينبغي أن يكون المال الذي يحج به الحاج مالا حراما أصله سحت فالنفقة الحلال شرط للحج المبرور يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيها الناس إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا كما ينبغي للحاج أن يكون عمله وعبادته خالصة لوجه الله ليس من ورائها لا رياء ولا سمعة بل لا يبتغي بها إلا وجه الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. Sachez, pour ceux qui désirent se rendre au pèlerinage, qu'il y a certains points à mettre en pratique et qui ne doivent en aucun cas être négligés afin que le pèlerinage soit un pèlerinage pieux et accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, celui qui désire accomplir le pèlerinage, l'argent qu'il va dépenser doit être issu